les meilleures équipes. Et si die allerbeste Mannschaft the main event die Master die Besten les meilleures équipes the champions die Meister die Besten les meilleures équipes the champions. Débattons d'Anguirou numéro 13, Foot Afrique sur Radio Galère. De l'aventure des bâtons d'Anguirou. Bonsoir Brett. Bonsoir Manuel. Pour nous accompagner ce soir en direct du stade Ramon Sanchez Pizjuan pour le match qui oppose le FC Séville au FC Granada. Nous avons bien sûr Abdelkarim Magic Louima. Le shérif est absent pour cause de travail autre. Sur le plateau, nous avons bien sûr le docteur Lehmann. Et ce soir, trois invités prestigieux. Alors tout d'abord, Bakary Cissé, pardon. Vous êtes journaliste au quotidien Stade de Dakar en charge de l'équipe nationale du Sénégal et vous êtes actuellement stagiaire à la Provence. Oui, c'est ça, effectivement. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Bakary. Bonsoir. Manuel, ensuite. Alors, nous avons William Culan, qui est actuellement tout juste de retour d'un travail anthropologique en Guinée. Et vous nous direz deux mots ce soir, William, de cette mission. Merci, Manuel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Content d'être dans les bâtons d'Anguirou. Et enfin, Michel Touzet de la librairie Transit, boulevard Libération à Marseille. Nous vous présenterons cette librairie un peu plus en détail tout à l'heure, mais tout d'abord, bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Brett, ce soir, on a décidé, actualité oblige, de consacrer cette émission au foot africain, au foot et à l'Afrique, car en ce moment, c'est la CAN. Tout à fait, la CAN qui a démarré il y a une dizaine de jours. Nous sommes quasiment, pour certains groupes sont déjà clôturés, d'autres ont encore des matchs à jouer. Et voilà, nous allons parler de la CAN ce soir sur le plateau et plus généralement de l'Afrique. Et on va terminer un petit peu d'écouter cette magnifique chanson de Johnny Clegg et Savuka. Hey, when I'm Brett, après cette introduction musicale, je vous propose de rejoindre tout de suite Magic, orphelin du shérif, ce soir, à Grenade. Bonsoir. Allô. Bonsoir Magic. Allô, est-ce que vous m'entendez ? Bien sûr. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous nos auditeurs. Ce soir, nous revenons pour la deuxième fois de l'année donc, dans ce stade de Séville. Où nous assistons ce soir donc, à un match de championnat espagnol de la Liga, un des meilleurs championnats européens. Ce soir, donc, le FC Séville rencontre le Granada FC. Et voilà, le stade n'est pas complètement plein. C'est un match du deuxième tableau, on va dire, entre le 13e, le Séville, et le 17e, Granada. Et voilà, le match vient de commencer il y a un petit quart d'heure et les deux équipes sont toujours 0-0 pour l'instant. Merci Magic. Écoutez, je vous propose de rentrer tout de suite, mon cher Brett, dans le vif du sujet et de faire un petit peu le point sur cette CAN, et notamment avec le premier de nos invités prestigieux, Bakary. Rebonsoir Bakary. Bonsoir. Vous avez suivi, bonsoir, j'imagine, le début de cette CAN avec attention. Et bon... Pour le principe, on s'est chargé de présenter un petit peu les quatre groupes différents de cette CAN et on vous laissera réagir un petit peu à ce qui s'est passé depuis le début. Voilà, donc je vous remercie infiniment de l'invitation. Pour parler de la CAN, moi personnellement, je dis que je suis resté sur ma faim parce que je ne m'attendais pas trop à ce que j'ai vu aujourd'hui, cette année, mais cela peut s'expliquer à plusieurs niveaux. D'abord, sur 13 matchs, je prends les premières journées, sur 13 matchs, nous avons vu 8 matchs nuls, avec un ratio de 62% de matchs nuls, c'est pas bon. Moi, je dis que à chaque fois qu'on progresse vers la compétition, les joueurs se découvrent. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que le niveau de la Coupe d'Afrique des Nations est en baisse. Donc, il faut se poser des questions à savoir pourquoi aujourd'hui, le niveau est en baisse. Mais après, au fil des matchs, on a vu que les entraîneurs essaient de sortir de leur coquille et de jouer. Et des équipes telles que la Côte d'Ivoire, le Ghana, qui sont les favoris de la compétition, lors de leurs deux derniers matchs, ils ont tout le temps pris l'adversaire dans un bloc compact. Et ils se sont imposés, ils se sont fait respecter. Mais moi, je dis que si le niveau de la compétition n'est pas du tout bon, il faut le dire, c'est parce qu'aujourd'hui, auparavant, vers les années 80-90, avec des joueurs offensifs, on voyait qu'il y avait trop d'éclatement. Les joueurs s'éclataient avec le football et puis aussi le public était là. Donc malheureusement, aujourd'hui, cela n'existe plus. Ça peut s'expliquer sur plusieurs facteurs, comme je l'ai dit. La majeure partie des footballeurs africains évoluent en Europe. Et quand on sait qu'avec l'Europe, on met l'accent plutôt sur le système défensif. Il y a tactiquement, les équipes se valent. Donc auparavant, il n'y avait pas trop ce système de jeu. On laissait les gens s'éclater. Et aussi, ça s'explique du fait que la majeure partie des équipes africaines sont entraînées par des Européens. Donc ils proviennent tous de la même école. Surtout des Français qui investissent le football africain pour partager leur expertise avec les techniciens locaux. Et je dis personnellement, je suis resté à ma faim et je crois qu'au fil de l'émission, on va revenir dessus. Tout à fait. Bakary. Oui, le jeu est fermé, complètement fermé, ça ferme le jeu. Comme je l'ai dit hier à un ami, quand je jette un coup d'œil sur les matchs de Youssouf Fofana de la Côte d'Ivoire en 86, de Gilles-François Bokandé en 86 jusqu'en 90, de Rabah Madjer en 90, de Djabi Sekana, non, mais c'est pas cette Coupe d'Afrique que je vois aujourd'hui. Auparavant, les gens s'éclataient. Même au jour d'aujourd'hui, quand on jette un coup d'œil sur ces vidéos, on sent, même si on n'est pas à la période de la Coupe d'Afrique, on se sent concerné par la Coupe d'Afrique. Mais aujourd'hui, les joueurs, les équipes, les entraîneurs mettent l'accent sur le système tactique. Donc ça déteint sur le jeu, quoi, à mon niveau. C'est ça. Merci Bakary. On reviendra sur tout ça tout à l'heure, plus tard dans l'émission. Si vous êtes d'accord, on va peut-être lancer ce qui était annoncé de la présentation des différents groupes. Voilà, pour un petit peu détailler à nos auditeurs ce que c'est que cette CAN, et à commencer par ses participants. Magic, je crois que vous vous êtes chargé du groupe A. Oui, vous vouliez que je parle du groupe A. Est-ce que vous m'entendez là ? On vous entend très bien. Oui, écoutez, donc le groupe A, c'est celui qui a, comme son nom l'indique, démarré la CAN, les premiers matchs étant les derniers samedis là. Écoutez, dans ce groupe, les favoris à la qualification en quart de finale étaient logiquement le Maroc et l'Afrique du Sud, qui disposent tous les deux des joueurs les plus expérimentés de la poule. Mais voilà, même si les Bafana Bafana, comme on les appelle, ne montrent plus rien depuis leur victoire contre la France en Coupe du Monde 2010, eh bien, il faut avouer que l'avantage du terrain peut s'avérer utile dans le contexte africain. Il ne faut pas oublier qu'en 1996, déjà dans une période post-apartheid, ils avaient déjà gagné le trophée chez eux. Voilà. Pour ce qui est du Maroc, après sa victoire contre le Mozambique juste avant le début de la CAN, le Maroc abordait la compétition de manière sereine avec un nouvel entraîneur, Rachid Taoussi, successeur d'Eric Gareth, et de nouvelles ambitions. Donc, les deux autres équipes sont l'Angola et le Cap-Vert. Ce sont deux petites nations du foot qui, pour l'instant, au niveau international et même africain, n'ont jamais rien démontré de très probant. Dans cette poule A, lorsqu'elle a ouvert la compétition, et comme le disait Bakary tout à l'heure, cette compétition a démarré avec deux matchs nuls et deux matchs d'une telle nullité qu'ils s'en sont terminés à 0-0. Voilà, ce qui confirmait l'image plutôt négative de la CAN de cette édition 2013 dont parlait Bakary tout à l'heure. Voilà. Alors, dans les deuxièmes matchs ensuite qui ont suivi, ce sont les Sud-Africains qui ont tiré leur épingle du jeu en gagnant leur match, alors que le Maroc et le Cap-Vert faisaient à nouveau match nul, un partout. Alors l'Afrique du Sud, réaliste, bien en place, a su prendre la tête du groupe A. Les Bafana Bafana ont su faire la différence au moment pour décrocher une victoire méritée. L'Angola n'a jamais réussi à mettre en danger les Sud-Africains. Après le premier match récolté de son côté dans cette CAN pour la première fois de son histoire, le Cap-Vert continue de surprendre lors du deuxième match, à l'image de son fameux joueur Platini. Le Maroc s'est quant à lui réveillé trop tard dans ce match et n'a joué qu'à l'orée du dernier quart d'heure après avoir proposé une prestation plutôt inquiétante. Les derniers matchs se sont joués hier et donc dans cette poule, on connaît désormais les qualifiés, et à la surprise générale, donc ce sont l'Afrique du Sud et le Cap-Vert qui accèdent au quart de finale. Le Maroc n'a pas perdu un seul match dans cette compétition, n'en a pas gagné un seul non plus. Et c'est donc fort logiquement qu'il se retrouve derrière le Cap-Vert, un dénouement incroyable pour le Cap-Vert, qui se qualifie au terme du dernier match hier pour sa première participation à la CAN. Longtemps mené par les Angolais, les requins bleus, comme on les appelle, du Cap-Vert, ont sorti les crocs dans les dernières minutes pour arracher la victoire. C'est en effet à la 90e minute qu'Eldon, l'attaquant capverdien, marque le but vainqueur. Et donc, voilà, aujourd'hui, les deux équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale, ce sont donc le Cap-Vert et l'Afrique du Sud. Merci Magic. Donc voilà, c'était la présentation du groupe A. On va passer à la présentation du groupe B que vous allez nous faire, cher Manuel. Tout à fait, chers auditeurs. Il m'a été demandé de vous informer à propos du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2013. Je m'exécute donc. Le groupe B de la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, 26e groupe B du nom donc, puisque le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations naît en 1963, CAN qui se déroulait au Ghana et dont le vainqueur fut le Ghana. Ce groupe B 2013 est composé des Black Stars du Ghana, 4 fois sacrés à la CAN en 18 participations et 9e participation au groupe B. Des Aigles du Mali, 2e participation au groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations en 7 participations. Des MENA du Niger, première participation à la Coupe d'Afrique des Nations et donc équipe 100% groupe B. Et des Léopards de la République démocratique du Congo, 2 fois victorieux de la CAN en 15 participations et 5 fois dans le groupe B. Mais pour comprendre tout à fait les enjeux de ce groupe B de la CAN 2013, faisons rapidement ensemble un historique chiffré du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations depuis sa naissance en 1963. Ce rapide historique nous permettra de savoir, 1, que l'on a deux fois plus de chances de gagner la Coupe d'Afrique des Nations en finissant deuxième du groupe B qu'en finissant premier. 2, que l'on finit plus souvent deuxième de la Coupe d'Afrique des Nations si l'on finit premier. Si l'on va plus en avant dans les détails, on remarque qu'un premier du groupe B a atteint 48% les demi-finales au moins de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a en revanche que 8% de chances de gagner si l'on suit les statistiques du passé. En revanche, un second du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations de football a depuis 1963 gagné la Coupe dans 16% des cas. Mais il est plus probable qu'il soit soit demi-finaliste, soit quart de finaliste pour respectivement 36 et 32% des cas. Ces statistiques établies sur les 25 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations qui jusqu'à aujourd'hui ont comporté un groupe B nous seront d'une utilité redoutable à l'heure des pronostics pour la phase à élimination directe de cette CAN 2013. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs et regardons d'abord de plus près ces 6 rencontres du groupe B de la CAN 2013 donc. Le premier match opposait le Ghana à la République démocratique du Congo sur la pelouse sèche du stade de Nelson Mandela Bay de Port-Elisabeth, comme ce sera d'ailleurs le cas des 5 autres rencontres, et fut arbitré par Daniel Bennett devant 7980 spectateurs. Le score fut de 2 à 2. Le deuxième match opposait le Mali au Niger, arbitré par Selim Djedidi, devant, eh oui, 20 000 spectateurs, et vit la victoire du Mali par 1 but à 0, but de Keita. Le troisième match opposait le Ghana, entraîné par James Kwesi Appiah, et le Mali de Patrice Carteron. Il fut arbitré par Désiré Doué Noumandiez, et le Mali s'inclina sur un pénalty de Moubarak à la 38e minute. Le quatrième match, lui, opposait le Niger du sélectionneur Gernot Rohr, dit le tacleur, et la République démocratique du Congo du sélectionneur Claude Leroy, dit la mèche. Il fut arbitré par Bouchaïb El Arache et se termina sur un triste 0-0. Arbitré par Badara Diatta, le cinquième match opposait ce soir le Niger au Ghana et vit la victoire du Ghana par 3 buts à 0. Et arbitré par Jamel Aïmoudi, le sixième match opposait au même moment le Mali et la République démocratique du Congo pour un score final de 1 partout. Tout ceci nous donne le classement suivant. Ghana premier avec 7 points, le Mali second avec 4 points, la République démocratique du Congo troisième avec 3 points et le Niger dernier avec 1 point. Qu'à la vue des statistiques précédemment exprimées, le Ghana a 8% de chances de gagner cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, contre 16% au Mali. Le Ghana sera le plus probablement demi-finaliste, au mieux troisième, à 48%, et sera à égalité de chance. Et le Mali, pardon, sera à égalité de chance premier ou deuxième à 16%. Terminons sur une anecdote assez significative. Si l'on considère que ce groupe B accueille en cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations de très nombreux beaux footballeurs, 2 bons joueurs marseillais et ghanéens n'ont pas été retenus par leur sélectionneur, ceci pour diverses raisons. Mais cela me rappelle, chers auditeurs, qu'un des plus beaux représentants du football africain en général, puisque 3 fois ballon d'or du continent, fit sa première apparition en Coupe d'Afrique des Nations en 1982, précisément dans le groupe B. Il s'agit évidemment du formidable Abedi Pelé, qui ne remporta qu'une seule fois la CAN, et devinez de quel groupe était issu le Ghana cette fois-ci, le groupe A. De là à en tirer des conclusions. Merci Manuel. Eh ben, je me charge de vous présenter donc le groupe C. Le groupe C. Dans le groupe C, il y a d'abord la Zambie, la tenante du titre, une équipe de renards, Hervé, qui a créé la surprise en renvoyant au cimetière l'année dernière en finale les éléphants de la haute Côte d'Ivoire tombés de bien haut. Le Chipolopolo Lata l'Ivoirien. Mais cette victoire en 2012 est surtout l'affaire d'une déroute ivoirienne. S'envoler, c'est bien, mais il faut ensuite voler, tenir, éviter les perturbations et les trous d'air. En tout cas, voilà le beau challenge que doivent cette année relever les Zambiens. Vient ensuite le Burkina Faso, l'équipe à la réputation de loser, 8 participations, 7 éliminations au premier tour. L'équipe d'un type rougeau, moitié Khmer, moitié pute, Paul pute. L'équipe des paradoxes, le tout petit, les minuscules oreilles de notre Charles Caboret, les jambes de griffes de Pitropa, et les mines, les frappes de géants. Les mines du gauche bien orientées de Traoré Alain, le bien l'orienté. Les mines antipersonnelles de stade de Charlie, la terreur des poteaux de corner, des stadiers et des ramasseurs de balles. Et pourtant, il se pourrait bien que l'équipe de Paul pute en fasse un de coups de pute. De toute façon, comme qui dirait, Burki ne tente rien, n'a rien. Le Nigeria, l'éternel espoir, l'éternel favori, longtemps considéré comme la plus belle équipe d'Afrique, elle se dispute désormais avec la Côte d'Ivoire le titre d'éternel second, plutôt même de troisième en ce qui concerne les Super Eagles de Stephen Keshi, 4 fois à cette place depuis 2002. Toujours placée, mais jamais gagnante. Emmanuel Emenike, Obi-Wan Mikel, Victor Moses, Musa et quelques délires capillaires Tout cela donne quand même une belle équipe. D'autant que le sélectionneur a eu la bonne idée de voler dans les plumes de l'aigle royal autoproclamé Odem Wingi, qui est resté au froid en Ligue 1 dans ses belles chaussures. Admettons que tout ça mérite quelque chose. Enfin, l'Éthiopie. Plus de 30 ans de disette footballistique, après un sacre en 1962 sous les yeux de l'empereur Haïlé Sélassié Ier et une triste dernière participation en 1982. Nul n'est prophète pour son pays, ni Haïlé Sélassié, ni Clémentine Sélarié, née à Dakar, qui aujourd'hui pleure l'absence du Sénégal à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais les Éthiopiens ont faim de ballon. Les partenaires de Saladin Saïd, transfert le plus cher de l'histoire du foot éthiopien, ont bien l'intention de faire quelque chose, si ce n'est au moins de faire taire cette horrible chanson des Chanteurs sans frontières et de rallumer la lumière là où le dernier GI en partant l'avait éteinte, quitte à en hériter quelques-uns, plein le cœur et plein les yeux. Dans les faits, chaque équipe a disputé deux matchs, la Zambie et l'Éthiopie ont fait un partout, le Nigeria et le Burkina ont fini sur le même score, un partout, le Burkina contre l'Éthiopie, les Burkinabés ont rapidement coupé l'appétit retrouvé des Éthiopiens et un doublé de Traoré, un but de Koné et un de Pitropa ont renvoyé les Éthiopiens à leurs études de cuisine. Tout ça avec un joueur de moins et une passe décisive millimétrée de Kabore. Burkina 4, Éthiopie 0. Enfin, pour ne pas quitter leurs costumes respectifs, peut-être pour ne pas se mettre trop de pression, pour commencer tranquille, les Nigérians et les Zambiens se sont séparés poliment sur le score de 1 partout, avec comme cadeau de séparation à l'amiable un pénalty raté de Obi Nickel et un pénalty surprise offert aux Zambiens, chic tips et Nigérians. Le classement, Burkina premier avec 4 points, Zambie et Nigérians se partagent la deuxième place avec 2 points chacun, l'Éthiopie quatrième avec 1 point. La dernière journée opposera la Zambie au Burkina et le Nigeria à l'Éthiopie. Tout reste bien sûr possible, même si pour l'Éthiopie, il va falloir courir. Docteur, à vous pour le groupe D. Alors le groupe D, c'est un peu la poule des espoirs éternellement déçus. Togo, Côte d'Ivoire, Algérie, Tunisie. Si ce n'était un certain Roger Lemaire, il y a déjà 9 ans de cela. Dans ce groupe de la mort, on s'est d'abord expliqué entre la Côte d'Ivoire et le Togo via un duel à distance entre Drogba et Adebayor. Mais ce sont plutôt les valeureux seconds qui se sont illustrés, à l'image de Gervinho ou de Yaya Touré, tous deux auteurs d'un but, ou du revirement Gakpé du côté des éperviers. À grands coups de billard dans la surface, dans un match au niveau de jeu indigent, les éléphants l'emportent finalement 2-1. Lors du derby maghrébin, les aigles de Carthage triomphent in extremis des Fennecs algériens lors d'un match très technique mais un peu terne grâce à une superbe frappe enroulée de Youssef Sakni. Ali Odzik, qui avait pourtant retrouvé un peu d'esprit nantais, se retrouve dos au mur. Lors de la seconde journée, l'Algérie et le Togo doivent gagner. Les éperviers l'emportent finalement 2-0 après avoir été dominés tout le match par une équipe algérienne incapable de conclure. Les deux buts togolais ont été marqués en contre sur des longues ouvertures très première ligue du Queen's Park Rangers en somme. De son côté, la Côte d'Ivoire s'impose logiquement sur des Tunisiens dépassés, une victoire sur un score flatteur de 3-0 qui doit une nouvelle fois beaucoup au talent de ces deux stars d'outre-Manche, Gervinho et Yaya Touré. Au vu de son début de CAN, Didier Drogba aurait tout à fait le niveau pour une dernière pige à l'OM. Avant l'ultime journée, la situation est limpide dans cette poule. L'Algérie, qui proposait le jeu le plus séduisant, est éliminée sans gloire. On ne l'attendait pas à pareille fête au vu de son début de compétition, mais le Togo pourra se contenter d'un nul face à la Tunisie, elle aussi heureuse de se retrouver... de retrouver son destin entre les pieds, une petite pièce sur les aigles de Carthage pour la qualif au passage. Après avoir eu toutes les peines du monde pour se débarrasser de ses deux premiers adversaires, la Côte d'Ivoire se retrouve en pole position du groupe, mais tout laisse à penser qu'il pêche par orgueil pour la suite de la compétition face au Nigeria. Il ne devrait même pas y avoir de demi-finalistes dans cette poule de la mort, à mon avis. Merci docteur, vous clôturez ainsi la présentation des quatre groupes de cette CAN 2013. On va tout de suite faire réagir nos invités, Brett, et à commencer par vous, Bakary. Vous avez vu tous les matchs depuis le début de cette CAN. Quelle est selon vous, première question que j'ai envie de vous poser, la plus belle équipe, celle qui va, à vos yeux, avoir le plus de chances de l'emporter? Bon, malheureusement, moi je dirais que la plus belle équipe va malheureusement sortir de la compétition, c'est l'Algérie. J'avais dit quelque part lors d'une interview que les principaux favoris de la Coupe d'Afrique sont la Côte d'Ivoire, le Ghana et dans une moindre mesure l'Algérie. Mais malheureusement aujourd'hui, l'Algérie va quitter cette compétition avec certainement des regrets. Cette équipe de l'Algérie me rappelle celle du Sénégal de 2012 avec une pléiade de stars, avec un jeu séduisant. Donc malheureusement, elle est sortie. Et cela peut s'expliquer à plusieurs niveaux. Mais au jour d'aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas, nous ne savons pas exactement ce que Ali Logique a comme problème, ce que nous pouvons dire, c'est que l'Algérie, malheureusement, contre toute attente, est sortie. Mais c'est une équipe qui a de beaux restes. Elle peut rebondir parce qu'elle est dans la course pour les éliminatoires de la Coupe du Mondial 2014. Mais je dis que c'est comme ça. La compétition, parfois, on ne maîtrise pas tout. Le vécu, il ne s'apprend pas. Il faut vivre avec. Mais cette équipe algérienne, qui est composée en majorité de binationaux, avait son mot à dire dans cette compétition. Malheureusement, elle vient de sortir. Maintenant, quant aux différentes équipes, moi, je pense qu'il y avait le nivellement des valeurs dans tous les groupes. Parce que y a quelqu'un qui a présenté tout de suite le Cap-Vert comme le petit poussé. Et contre toute attente, le Cap-Vert a séduit. Mais moi, je disais qu'il fallait s'y attendre. Parce que le Cap-Vert, le 5 septembre dernier, le Cap-Vert a pu battre le Cameroun, qui est, quoi que l'on dise, qui est l'ogre du football africain, a pu battre le Cameroun à Praia par 2-0. Avant d'aller arracher le match nul dans la cuvette de Fadena. Fadena, c'est le stade Amadou Ahidjo. Là, depuis 1974, le Cameroun n'a pas perdu. Moi, je dis que cette défaite... Non, de 74 à aujourd'hui, non, de 94 à aujourd'hui, c'est seul l'Égypte a pu battre le Cameroun par 1-0. Et si le Cap-Vert, en tant que petit poussé de la poule, va y arracher les deux points, le point du nul, je disais qu'il fallait attendre le Cap-Vert à ce niveau de la compétition. Cette équipe du Cap-Vert me rappelle aussi celle du Sénégal de 2002. Quand on allait à la Coupe d'Afrique des Nations et quand on battait la France à la Coupe du Monde 2002. Donc les gens ne s'attendent pas à voir cette équipe à ce niveau de la compétition. Aujourd'hui, le Cap-Vert est en train de montrer qu'il faut conjuguer avec lui pour l'avenir. Moi, je dis qu'aujourd'hui, si le Cap-Vert tient tête à ces équipes, c'est parce qu'à la base, ils ont travaillé. Vous savez, en Afrique, c'est très difficile d'arriver à ce niveau de la compétition. D'abord, les dirigeants entre eux se crêpent le chignon. Les gens n'ont pas le temps de travailler. Après chaque compétition, après chaque campagne, il faut tout remettre en cause et repartir sur de nouvelles bases. Donc ça, c'est un éternel recommencement. Mais heureusement pour les Cap-Verdiens, eux, ils ont compris qu'il faut travailler dans le long terme. Et c'est ce long terme-là qui est en train de payer aujourd'hui. Voilà. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, on peut... Voilà. Ouais, et par exemple, pour le Burkina, c'est pas parce que c'est... Ouais, c'est le Burkina, moi, je dis... C'est quand même un début de... Moi, je dis que c'est le Burkina qui a sauvé la face de la poule B. Hein. Sinon, c'était la poule la plus catastrophique sur le plan du jeu. Bah, il a sauvé même le début de la compétition. Oui, il a sauvé même aussi le début de la compétition. D'un point de vue de but, tout simplement. Parce que le Burkina qui se fait dominer par le Nigeria. Et vous avez vu, nous avons vu une équipe burkinabé qui était revenue des vestiaires avec plus d'envie. Oui, tout à fait. Donc, exactement. Ils ont contrôlé la deuxième partie du match de bout en bout. Et avec un Alain Traoré très rayonnant, le Burkina Faso, et un Pitropa très à l'aise techniquement, le Burkina a sauvé la poule B. Sinon, ça serait la poule la plus catastrophique sur le plan de jeu. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, le Burkina Faso, qui, hormis depuis 1998, n'a pas atteint le deuxième tour, parce qu'en 1998, c'est le Burkina qui a organisé, il était le pays organisateur, il a franchi le cap du premier tour, mais depuis 1998 jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Burkina Faso peinait à franchir ce cap. Et aujourd'hui, s'il est là, je me dis que c'est une équipe qui a appris sur le tas, qui a corrigé les errements qui ont été commis par le passé, surtout en 2010. C'était une équipe, une très belle équipe qui se fait éliminer au premier tour. Et cela peut s'expliquer, cela se comprend aisément parce que dans leur poule, le Togo avait désisté parce que vous vous rappelez en son temps avec les histoires de Kabinda. Donc le Togo s'était retiré de la compétition et malheureusement c'était une poule qui s'est jouée à trois. Donc face au Ghana et la Côte d'Ivoire, ce n'était pas possible. Et voilà. La Côte d'Ivoire, là, cette année ? Oui, la Côte d'Ivoire, cette année, timidement, elle a commencé la compétition. Elle est rentrée au fil des matchs. Et je crois que là aussi, il faut saluer le courage de mon ami Lamouchi, qui a pris son courage à deux mains et de mettre Didier Drogba, le capitaine, sur le banc de touche. Vous imaginez le risque qu'il avait pris, prendre Didier Drogba, qui est le capitaine, qui est une légende en Côte d'Ivoire, il le met sur le banc de touche. Il lui a donné que 25 minutes de jeu, parce qu'il n'avait pas ses jambes de 20 ans, de 25 ans, etc., etc. Mais aujourd'hui, on a vu que oui, la Côte d'Ivoire est en train de monter en puissance. C'est une équipe qui maîtrise les débats et souhaitons qu'elle continue dans ce sens. Sinon, ça serait la génération la plus catastrophique que la Côte d'Ivoire ait connue. Parce que depuis 2006, cette équipe ivoirienne joue ensemble. Donc, j'allais même dire depuis 2004, mais 2006 plutôt. Depuis l'Égypte 2006, ouais, cette équipe joue ensemble. Mais malheureusement, à chaque fois qu'on les attend au tournant, malheureusement, ils échouent au pied du podium. Spécialité. Je crois que voilà, vraiment, ça peut, cette année, ça sera la meilleure. On les attend peut-être moins au tournant cette année aussi, du coup. Oui, c'est ça aussi. C'est ça aussi. Wow. Il faut dire aussi que Côte d'Ivoire, ils ont un Gervinho qui pète tout, là, cette canne. Il commence très très fort. Oui, voilà, donc ça aide pas mal, même si Drogba est sur le banc, ce que je peux comprendre, mais oui, et Gervinho quand même qui est un peu étincelant. Après, moi je pense que ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, je pense que les problèmes des grosses équipes comme la Côte d'Ivoire ou le Nigeria ou le Ghana, pas Ghana forcément, mais ils ont beaucoup de joueurs en Europe. Contrairement aux autres clubs, comme le Cap-Vert, je ne sais pas combien de joueurs jouent en Europe du Cap-Vert, mais il n'en peut avoir des tonnes. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais ça ne doit pas être énorme. Il y a Ryan Mendes qui joue la majeure partie des joueurs cap-verdiens évoluent au Portugal. Donc, ils ne sont pas trop connus dans le Gotha du football africain. Mais ils ne sont pas aussi dans les grands clubs européens, contrairement aux Ivoiriens, aux Ghanéens et aux Maliens. Et donc, vous voyez. Donc, mais est-ce que la Côte d'Ivoire, elle n'a pas un problème d'enfants gâtés? Bon, enfin, moi, vous savez, le Sénégal a joué contre la Côte d'Ivoire au mois de septembre chez eux à Abidjan. C'est le terme, hein? C'est le même terme que la presse ivoirienne donne aux joueurs de leur pays. Ils pensent que c'est les enfants gâtés. Maintenant, les enfants gâtés, comment? C'est ça. Mais est-ce qu'il y a un management positif derrière l'équipe? Ça, on ne sait pas. On est loin de l'équipe, de l'environnement de l'équipe. Donc, vous savez, le football, c'est beaucoup de paramètres. Si on ne maîtrise pas les paramètres, ça n'ira pas. Et aussi, je dis que c'est toute une chaîne. Si un maillon de la chaîne est foiré, donc ça peut se répercuter sur toute l'équipe. Donc aujourd'hui, je dis oui, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et prions qu'elle continue ainsi. Ça, c'est pour le spectacle, quoi. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'on aurait pour avoir tendance à voir, comme on a souvent sur les Coupes d'Afrique des Nations et d'ailleurs sur les autres championnats internationaux, une prime à l'équipe qui joue à domicile? Et pourquoi pas voir des Bafana qui n'étaient pas formidables emporter cette CAN à la fin? Non, vous savez, les Bafana, il faut comprendre aussi le contexte de ce pays. Hein. C'est un pays très riche, mais malheureusement, les Sud-Africains prônent le football anglais mieux que le football africain. Eux, ils ont un penchant sur le football anglais et sur le rugby. Si vous voyez, sur le plan sportif, le rugby a donné beaucoup de satisfaction à ce pays. Mais vous savez, sur le plan prime, je crois que ce n'est pas l'équipe de l'Afrique du Sud qui aura des soucis. C'est peut-être la RDC. Vous savez, vous vous rappelez, la RDC a fait... Les joueurs de la RDC ont failli boycotter la CAN parce qu'ils étaient restés sur leur faim par rapport à leur prime. Il a fallu que le roi monte au créneau et que les autorités fassent des promesses. Et le pauvre Claude Leroy, j'ai beaucoup de peine pour lui. C'est qu'aujourd'hui, son équipe est éliminée. Il ne s'attendait pas à cela. Moi, je l'ai eu 10 jours avant le début de la Coupe d'Afrique. Je l'ai eu en interview. Et je sais que c'est quelqu'un... D'ailleurs, il a battu le record en tant qu'entraîneur de la Coupe. Il a 7 participations à la Coupe d'Afrique des Nations. Il est le seul à l'avoir. Je crois que ça prouve que Claude Leroy est un entraîneur de haut niveau. Malheureusement, il tombe tout le temps sur les dirigeants qui n'ont pas le niveau, quoi. Parce que moi, je pense que quand on joue la Coupe d'Afrique des Nations, il faut régler tous les problèmes en amont. Ce n'est pas attendre à 2 ou 3 jours de la Coupe d'Afrique pour qu'on essaie de parler des questions de prime. Ça n'honore pas le football africain. Alors Brett, si on jouait au jeu des pronostics pour clore cette première partie d'émission, Michel, selon vous, qui remportera cette CAN 2013? Bah, après, il y a l'épouvantail qu'on disait depuis tout à l'heure, qui est la Côte d'Ivoire, qui est quand même une équipe assez formidable, qui rappelle un peu le Cameroun des années 90. Quoi. C'est un peu l'équipe qui domine l'Afrique. Et je pense qu'effectivement, je pense qu'en plus, il y a pas mal de joueurs qui sont assez vieux. Et je pense qu'ils auront peut-être à cœur de finir en beauté. Après, moi, j'ai une petite pièce sur le Ghana, quoi, que j'aime bien, même si l'entraîneur a une façon tout à fait curieuse évité de convoquer les deux frères Ayou. Ça, j'avoue que je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. C'est étrange. Après, d'autres affaires, j'imagine, qu'on ne connaît pas. Voilà, moi, Côte d'Ivoire-Ghana. Après, moi, le Cap-Vert, oui, mais enfin, bon, j'ai peur que... Ils n'aient pas l'expérience arrivée en quart ou en demi de la pression qui risque de leur tomber sur les épaules. Enfin, s'ils vont jusqu'en demi, d'ailleurs. Voilà, moi, je pense que Côte d'Ivoire-Ghana, pour moi, c'est les deux équipes qui ont une chance de gagner. C'est noté. William, est-ce que un petit pronostic? Moi, je vais pas être du tout original et je suis comme Michel, je suis entre Côte d'Ivoire et Ghana. Et moi, j'aurais un petit faible pour le Ghana, je pense. Même si je vais vous avouer que je ne les ai pas vraiment encore vus jouer. Mais je suis un gros fan de High Life, alors je serais plus pour le Ghana. Le High Life contre le coupé décalé. Et Bakary, rapidement. Je pense que c'est pertinent. Hein, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Et dans une moindre mesure, aujourd'hui, je vais parler de l'Afrique du Sud. Parce qu'avec l'appui du public, ils peuvent avoir le sursaut d'orgueil. Et aussi, ils nous valoir beaucoup de satisfaction. Maintenant, par rapport... à la non-convocation des frères Ayou, je pense que ça, c'est une autre histoire. Peut-être que vous n'avez pas trop suivi le débat. C'est une autre histoire, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, par rapport au jeune Ayou, je dirais le plus jeune, lui n'a pas été pris dès le départ. Donc, c'était un choix du coach. Dès le départ, il n'a pas été présélectionné. Donc, André a été présélectionné. Il y avait un deadline qui a été fixé par l'entraîneur. Et du coup, le joueur s'était blessé lors d'un match de championnat avec son club l'OM. Et donc, d'après ce qu'il a dit, il a eu le coach au téléphone. Il était à Paris. Il voulait même rejoindre l'équipe au lieu de regroupement. Il était à Paris. Et du coup, il a reçu le coup de fil de l'entraîneur qui lui dit que tu n'as pas respecté les délais. Donc, il faut rester. C'est vraiment triste parce que je pense qu'aujourd'hui, ces deux joueurs-là pouvait valoir beaucoup de satisfaction à l'équipe ghanéenne parce que j'ai toujours dit la famille Ayou est un label au Ghana. Donc pour qui connaît Abedi Ayou Pelé avec tout ce qu'il a fait, moi je l'ai vu à Ziguinchor dans ma région natale quand j'étais enfant en 92, c'était autre chose quoi. Moi je dis que c'est aujourd'hui la famille Ayou est un label au Ghana. Même les Ghanéens le savent. J'ai un ami journaliste qui me le dit tout le temps. Eux, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne comprennent pas l'attitude de l'entraîneur, mais je pense qu'il y a autre chose que l'aspect sportif, quoi, que personne ne peut maîtriser aujourd'hui. C'est sûr. Oui. Donc en fait, il y a quand même, pour avant de passer à autre chose, il y a trois équipes qui ressortent, c'est la Côte d'Ivoire, le Ghana et éventuellement l'Afrique du Sud devant son public. Allez, Manuel, on va faire un tour au stade. On va faire un tour au stade et juste avant de lancer un petit morceau de musique qui sera un morceau de Alemayei Estete, pardon, ou Echette, excusez-moi d'écorcher le nom. Et le morceau s'appellera Mekeyershin Salauk. Mais avant de le lancer, on file au stade pour savoir, à Séville, pour savoir ce qui se passe. Allô? Oui, allô, Magic. Oui, bonsoir. Alors, vous tombez là. Ça fait à peu près 3-4 minutes que nous sommes à la mi-temps et j'avais beau essayer, vous savez, cette fameuse lumière rouge. Vous ne m'avez pas vu, mais c'est pas bien grave. Donc, le score à la mi-temps a évolué et c'est très fort logiquement que les Sévillans ont marqué le premier but ici. Donc, 1-0. Pour le FC Séville, un but marqué à la 35e minute par un Français, figurez-vous, un Français qui est passé de Lens à Séville, un Français qui se nomme Kondogbia, qui très certainement doit avoir quelques petites origines africaines. Donc 1-0 ici et le match reprend dans 10 minutes. Ender Koyen. kennen tut, gibt im Jahr Luther sich Kerukisse Ballu, Koblala eine Tisch, Erdalle Batisch, Sankano der Tisch, Melkisch hieß ergenet, so bekum gedeinisch. Melkisch hieß ergenet, so bekum gedeinisch. Inku almas nesh, Ethiopia with loga, Hulu yadenekesh, Kakolas kedega, Yeheu yetilishin, Enchimetasebia, Semish no kengidi, Wazerit Ethiopia, Semish no kengidi, Wazerit Ethiopia. Lomi birtu kanne bunchish sagrishya beselom mekane angetish tutochish menderin yaskom jinnet yalesh enkenelelbish kekonjoch belaynesh enkenelelbish kekonjoch belaynesh. Chères auditrices, vous êtes bien en direct de Débattons dans Guirou. Je ne vais pas faire l'affront d'écorcher à nouveau le nom de la musique que vous venez d'entendre, mais c'était une belle chanson. Cher Manuel, on a un petit sujet à vous faire, à faire passer aux auditeurs. Bah oui, parce que exactement, quand on a préparé cette émission avec vous-même, avec le docteur, avec Magic et avec le shérif qui est absent, on voulait donner un tour un petit peu anthropologique à cette émission, et nous sommes allés au Faso, qui est un restaurant burkinabé marseillais, qui est situé 26 rue Ferrari, pour suivre un match de cette CAN qui était, rappelez-nous, Brett, ce match. C'était le Nigeria contre le Burkina Faso, c'était le premier match, de chaque équipe, ouais. Oui. Nous avons été fort bien reçus, notamment par Camille et Anna, deux des gérants de. Qu'on salue. Si vous écoute, bien sûr. Tout à fait, un formidable restaurant. Qu'on vous conseille, bien sûr. Et on vous restitue par ce petit enregistrement de quelques minutes ce qui s'est passé ce soir-là, là-bas, et qui va nourrir notre débat. franchement, c'était un beau match. Ils avaient plus de possession de balles que le Nigeria. Et c'était vraiment, vraiment évident de marquer, au moins égaliser. La dernière minute. Franchement, l'équipe que j'ai vue, oui, ils ont vachement les chances d'arriver jusqu'en demi-finale. La poule qu'ils ont, Zambie, Éthiopie, ah, franchement, je parie 100% qu'ils vont y aller. Et donc, franchement, félicitations, le Burkina. Félicitations. Franchement, ouais. Donc, espérons que la finale va se jouer entre Côte d'Ivoire et Burkina. C'est mon pronostic, Côte d'Ivoire-Burkina, la finale. Ah, là, ça serait bien. Parce que c'est une seule nation, Côte d'Ivoire. Qui dit Côte d'Ivoire dit Burkina. Nul n'a pensé. Non, tu ne peux pas imaginer que la Côte d'Ivoire ne va pas remporter la Coupe d'Afrique. Donc aujourd'hui, franchement, on ne peut pas réellement faire de pronostic. Voilà, c'est très dur. La Côte d'Ivoire, c'est vrai. Elle est une très belle équipe. Mais aujourd'hui, tu prends une équipe en Afrique telle que. On a vu le Zambie, ce qu'ils ont fait. Hein. Une si jeune équipe avec la Côte d'Ivoire qui a eu une si belle expérience. On a vu le Zambie a remporté. Hein. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de petite équipe. À ce moment, il y avait la guerre. Il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. C'était les gens mouraient de gauche à droite dans la rue. On incendiait les voitures, les personnes. Et sans support, on te crame. Non, c'était pas vraiment. La volonté de Dieu, parce que même s'ils avaient pris la coupe pour venir en Côte d'Ivoire, l'ambiance n'allait pas être telle. Comme il fallait. Parce qu'il y a la haine. Il y avait la haine, ethnie contre ethnie. Les ethnies. Ouais. Les guerres tribales, c'est très dangereux. En 90, le Cameroun. L'ambiance qu'il y a eu à Abidjan. Quand tu dis Abidjan, il faut dire toute l'Afrique. Ouais. Moi, j'étais en Abidjan. Faut dire toute l'Afrique. Moi, j'étais en Guinée, mais laisse tomber la joie. L'Afrique, toute l'Afrique est en jeu. Non, ils se sont fait voler par l'Angleterre. Pour la première fois, Argentine, une grande équipe comme ça, affronte le Cameroun. Sénégal, Mali, Argentine, Togo. Et puis Diogo Maradona jouait. Ah non, ça fait le spectacle. Je mise, le Burkina est capable de vaincre la Côte d'Ivoire. Eh bien Brett, on remercie encore nos amis du FASO. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On les salue et on leur promet qu'on y retournera, bien sûr. Alors, on a entendu beaucoup de choses, notamment le but du Burkina dans ce reportage. Et on a aussi entendu, dans les propos de nos amis du restaurant, un petit peu des choses sur la francophonie, les liens entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, les différences de mentalité de football qui pouvaient exister entre les pays francophones et les pays anglophones, comme le Ghana, par exemple. Et puis aussi, le thème de la violence liée au football en Afrique a été abordé. Mais je crois, Will, que vous vouliez poser une question liée tout à fait à cette thématique à notre invité Bakary. Oui, alors moi je voulais profiter qu'on ait Bakary sous la main, qui a l'air d'être quand même un sacré expert en football africain, parce qu'on discutait en fait tout à l'heure entre nous sur des histoires de sélection des frères Ayou au Ghana, et je voulais demander à Bakary qu'est-ce qu'il y a de particulier au football africain dans l'extra sportif qui fait comme ça que des fois l'Afrique prend le pas sur le football, quoi. Vous savez, c'est parfois un peu difficile. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez un peu comment ça se passe. Au Cameroun, récemment, c'est le ministre des Sports qui était monté au créneau pour remplacer un entraîneur à l'insu de la fédération. Or, la fédération, c'est vrai, elle travaille sous la tutelle du ministère des Sports, mais c'est la fédération a le plein pouvoir d'aller rencontrer un entraîneur, de discuter avec lui, de caler avec l'accord du gouvernement, d'autant plus que c'est le gouvernement qui paye. Mais malheureusement, quand le Cameroun a perdu face au Cap-Vert, le ministre des Sports camerounais est monté au créneau. Avec un arrêté ministériel, il a limogé l'entraîneur et nommé un autre à sa place. Au Togo récemment, pour que Emmanuel Adebayor participe à cette présente CAN, c'est le président de la République qui est monté au créneau pour discuter avec le joueur et lui dire qu'on t'autorise à venir jouer la Coupe d'Afrique. Et Adebayor, en venant, il est venu avec tout son staff médical. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc c'est très difficile. Aujourd'hui, il y a les cas des deux frères Ayew. Moi, je dis qu'il y a autre chose dans ce problème-là. Il y a autre chose que l'aspect sportif. Donc parfois, c'est ce qui fait que certains joueurs montent au créneau et dénoncent beaucoup de pratiques. Vous avez récemment suivi les joueurs congolais qui réclamaient des primes, qui voulaient qu'avant de participer à la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on leur dise combien ils recevront de primes. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est un véritable business. Ouais, donc, cause pour laquelle je dis que parfois, on ne maîtrise pas beaucoup de choses, mais ce n'est pas sur les antennes des radios qu'il faut dire certaines choses. Quoi. Donc, ça, mais si je vous donne des exemples, vous comprendrez aisément qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du football que personne ne maîtrise. Même les entraîneurs ne maîtrisent pas ça. Vous pensez qu'il y a de la corruption ou en tout cas des problèmes liés à l'argent? Non, corruption. Corruption, ça, on saurait le dire, quoi, parce qu'on n'a pas, on n'a pas de preuves par rapport à ce que vous dites. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêts derrière. Donc ces intérêts-là sont avoués ou inavoués, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, en France, on ne peut pas dire à Deschamps de se passer de Giroud quand il est en forme, quand il marque des buts, etc., etc. Ou bien un joueur qui est blessé au club et qu'il doit avoir 24 heures de retard, l'entraîneur ghanéen lui dit non, si c'est comme ça, vous restez en club, vous restez, je ne vous prends plus. Donc là, il y a un problème. Maintenant, c'est aux dirigeants de voir comment il faut faire pour éradiquer tous ces problèmes-là. Parce qu'on ne peut pas vouloir faire avancer notre football en étant dans le Moyen-Âge. Ce n'est pas possible. Il faut évoluer avec le temps. Bon. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui, moi, je ne comprends pas trop tout ce qui se passe autour du football africain. Parce que c'est un véritable business. Et pour comprendre ça, il faut être africain, il faut descendre sur le terrain. Et je crois qu'on abordera dans la troisième partie de cette émission avec un bouquin que Michel nous a amené, cette thématique-là. Je vous propose, docteur Ebrett, puisqu'on a William sous la main et qu'il a pris la parole, d'évoquer avec lui ses récents voyages en Afrique et... Notamment, je crois, docteur, que vous vouliez l'interroger sur cette thématique qu'on a entendue un peu pointée dans le reportage au Faso, de la violence liée au football en Afrique. Bah, c'est vrai qu'en discutant un petit peu avec nos amis du Faso, ils évoquaient en fait le cas de la Côte d'Ivoire qui, selon eux, n'était pas prête finalement à gagner lors de la dernière CAN en raison... quelque part, de la guerre civile qui s'y déroulait. Donc ça m'amène aussi sur le terrain qui est assez important. Est-ce que les matchs de football sont pas parfois un exutoire pour une certaine violence aussi? Alors, c'est le cas de même en Europe hein. Bien sûr, c'est le cas en Europe comme en Afrique. Mais c'est vrai qu'on a très souvent vent de violence comme ces derniers temps à Port Saïd, par exemple, en Égypte. Et c'est vrai que c'est... je sais pas si vous vouliez intervenir là-dessus... En fait, moi, j'ai quand on a discuté pour venir dans l'émission, etc., j'ai entendu il y a deux jours là, le cas des violences en Égypte à Port Saïd. Et je me suis posé en fait une question, qui n'est pas très rigolote d'ailleurs, qui était sur les révolutions au Maghreb. Et notamment, je savais que la Tunisie était très connue pour ses ultras, ses supporters. Et au Maroc aussi, il y a d'énormes ultras. Et je me suis toujours demandé comment dans des états comme ça, hyper policiers... comment les gens géraient les ultras et en fait comment est-ce que ces supporters, alors le cas de Port Saïd il est marrant parce que les supporters c'est jamais vraiment une force politique, les gens sont à fond mais pour leur équipe, ils questionnent pas trop la politique, mais comment dans une dictature etc les gens gèrent comme ça des groupes de gens qui sont nombreux, qui sont et super virulents etc. Et l'histoire de cas qui est arrivé à Port Saïd en Égypte, donc je ne sais pas si vous savez, il y a quelques jours, donc il y a des gros mouvements là en Égypte, et il y a eu 30 condamnations à mort suite à des violences dans des stades à Port Saïd. Et Port Saïd, c'est une ville autour du canal de Suez, qui était toujours en rivalité avec le Caire, et qui était une ville avec beaucoup de syndicats. Parce que canal de Suez, exploitation du canal, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, pour une fois, les supporters de foot... Il y a quelque chose qui vire à la contestation, vraiment. Voilà, ça m'interrogeait en fait. On se souvient que l'année dernière, sur les violences qu'il y avait eu justement à Port Saïd et sur ce match de football durant lequel il y avait eu ces supporters qui avaient été massacrés par d'autres supporters, il y avait évidemment des affaires politiques en dessous, étant donné que les policiers égyptiens n'étaient pas intervenus et avaient finalement laissé se faire massacrer une partie des supporters par les autres. Donc finalement, On sait que le stade peut être un lieu de contestation aussi parfois, et on le voit par ces phénomènes-là. C'est un des aspects qui est négligeable. Mais je ne sais pas si Michel, tu veux revenir dessus. Non, enfin, je veux juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est, ils sont pour leur club, mais notamment au Maroc, je sais, en Tunisie, il y a des clubs qui représentent le pouvoir. Donc voilà, donc ça interpénètre en fait, parce que j'ai qu'au Maroc, c'est le Raja Casablanca, je crois, qui est depuis tout le temps historiquement le club du pouvoir, etc., etc. Donc effectivement, il peut y avoir aussi de la rivalité sportive toute bête de clocher, mais aussi derrière quand même des idées politiques qui viennent de voilà, on représente le pouvoir, donc les autres sont contre vous parce que c'est le pouvoir, etc. Donc je suis pas sûr qu'il y ait que juste les rivalités sportives quand il y a des... Moi, c'est plus des questions. Hein. J'ai pas de réponse du tout là-dessus, mais le fait qu'on m'ait invité à l'émission, je m'étais justement... Enfin, voilà, je me posais ce genre de questions, quoi. Et ce qui est arrivé à Port Saïd, là, je trouvais ça assez étrange. J'ai le souvenir aussi, moi, qu'il y avait eu des émeutes au Mali quand ils s'étaient fait éliminer de la CAN. Et voilà, dans des pays comme ça, de temps en temps, le foot crée des flammes, des insurrections populaires. C'est ça aussi. Mais sans forcément quelque chose derrière. Nous, on l'a vécu au Sénégal, hein, récemment, avec l'élimination du Sénégal face à la Côte d'Ivoire. Donc, le stade Léopold Sédar Senghor, depuis le 20 novembre, est suspendu jusqu'à un an de suspension. Donc, du coup, le Sénégal, son prochain match à domicile sera obligé d'aller accueillir l'Angola le 23 mars prochain en Guinée. Donc là aussi, moi, je dis que les joueurs sont les premiers responsables. Parce qu'un maillot national, c'est un maillot national. Le maillot national est au-dessus de tout. C'est comme un drapeau. Aujourd'hui, moi, sous mon drapeau, je suis prêt à mourir, quoi. Donc, les joueurs, parfois... Ils se prennent trop la tête, ça il faut se le dire. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est les enfants gâtés. Ils viennent, ils voyagent. Nous, je vous donne l'exemple du Sénégal parce que c'est le pays que je maîtrise le plus. Tous les déplacements de l'équipe nationale du Sénégal depuis 2002 jusqu'au jour d'aujourd'hui se font avec l'avion présidentiel, l'avion de commandement. En France, on ne va pas dire au président de la République de donner son avion au bleu. Non, mais au Sénégal... Pas pour aller en Afrique du Sud, en tout cas. Si le président de la République doit voyager, soit il prend un avion privé, mais l'équipe nationale est d'abord prioritaire. Donc depuis 2002, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, ils viennent à l'hôtel 4 ou l'hôtel 5 étoiles, mais en Europe, ici, ils évoluent ici. Mais nous savons tous que c'est des enfants des HLM, c'est des enfants des quartiers. Et les enfants des quartiers pour aller vivre dans les hôtels 5 étoiles, là, il faut avoir la poche pleine. Mais en équipe nationale, vous venez, vous voyagez avec l'avion présidentiel, il y a tout et tout et tout. Mais aujourd'hui, au Sénégal, le stade a été suspendu avec une amende de 20 millions, donc 20 millions de francs CFA. Donc, vous voyez, c'est énorme, quoi. Donc, c'est pour cela que je dis aujourd'hui, il y a aussi les dirigeants qui sont responsables. Parce que parfois, ils ne tiennent pas les discours qu'il faut aux supporters. Parce qu'en Afrique, le football, c'est comme une religion. C'est soit vous croyez en équipe ou vous ne croyez pas. Même si on doit battre ton équipe par 5 ou 10 buts à 0, pour toi, supporter, tu penses que non, ton équipe va battre. C'est comme une religion. Donc, parfois, c'est difficile. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres choses qui sortent des fois? Parce que, moi, j'ai l'impression qu'en Afrique, si vous allez au Maghreb ou quoi, vous voyez bien, même au niveau de la diffusion des matchs, le football est vraiment utilisé aussi comme un bon somnifère. Mais effectivement, n'allez pas loin. On donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Bien qu'il y ait des bombardements, mais à chaque fois que l'équipe nationale joue, tout le monde est uni, tout le monde s'unit, et puis voilà, on est unis autour de l'essentiel. Le temps de match de football. Mais et puis c'est très important. Au fur et à mesure que l'équipe gagne, les cœurs s'unissent. Mais quand il y a tout le temps des défaites, etc., etc., c'est... Mais au Sénégal, vous ne pouvez pas comprendre que si l'équipe nationale perd, les gens qui ne mangent pas, non, mais c'est des gens ne prennent... Non, mais c'est pas possible. On ne peut pas l'imaginer. Ah, on peut retrouver un petit peu ça à Marseille. Il y a des gens sur la ville qui vivent. Moi, parfois, je vais au vélodrome, je vois des supporters qui font, même avec moins 5 degrés, les supporters font torse nu. Je dis, mais tiens, mais le mec, il se suicide. Mais après, je me mets à leur place. Je dis, quand j'étais dans les tribunes, quand je supportais, je faisais pire que. Donc vous voyez, c'est comme ça quoi. Le football aujourd'hui c'est quelque chose d'important et donc il faut gérer tout ça. C'est des aléas qu'il faut gérer quoi, franchement. Bon, Bakary, on va pas vous demander ce que vous faisiez en tant que supporter, mais merci en tout cas pour toutes ces précisions. Vous, Will, on voulait vous poser une petite question parce que vous revenez de Guinée. Est-ce que vous avez joué au football en Guinée? Oui, j'ai joué au foot en Guinée en plus. Alors c'est marrant, en Guinée, tout le monde joue avec des toutes petites cages. Je ne sais pas si c'est pareil au Sénégal, je ne suis jamais allé au Sénégal. J'ai l'habitude des foot, terrain vague et tout, mais là-bas, il y a des toutes petites cages de street football et il y a vraiment du foot super organisé partout, sur les routes en fait, sur les routes, ouais, dans les petits quartiers. Ouais, partout. Voilà, et les gens, ça joue bien, bien, bien. Mais alors, en Guinée, c'est particulier parce qu'il y a le stade du 22 septembre, qui est le gros stade, mais qui a été aussi le théâtre de gros massacres lors de la transition, où il y a eu des soulèvements populaires pour enlever une transition militaire qui voulait organiser des élections, mais qui apparemment n'arrivait pas du tout à les organiser. Voilà, il y a un beau stade, le stade du 22 septembre, et c'est un souvenir assez difficile, je pense, pour les Guinéens aussi, quoi. Mais c'est un peu, voilà, c'est le paradoxe, ouais. C'est ce qu'on disait, c'est paradoxal le football. Dans une précédente émission, il y a Luc Gendeur qui avait évoqué de manière amusée, enfin tristement amusée, la possibilité d'une Coupe du Monde de massacre dans les stades. Ouais. C'était de manière amusée. Il y a le Chili, l'Argentine, on peut y aller, enfin je veux dire, effectivement, ouais. Je pense qu'il y a pas mal de pays qui pourraient concourir, effectivement. Ouais, c'était l'idée. On se souvient du Vélo aussi. Brésil notamment, bien sûr. Alors, pour avancer dans cette émission, de Guinée, mon cher Will, vous avez aussi ramené de la musique et vous vouliez nous en faire profiter un petit peu. Voilà, alors j'avais ramené un super disque du label Silly Authentic, qui était le gros label des années 60-70 d'État, de Sékou Touré. Mais le disque ne passe pas. Alors du coup, j'ai vu avec Magic pour mettre deux morceaux. Il y a soit un morceau guinéen, qui est un énorme classique, qui s'appelle « Armée guinéenne », que apparemment on m'a dit qui passe à la radio dans les moments de contestation, parce que c'est comme le football, ça met tout le monde d'accord en général. Donc c'est Bembaya Jazz National, qui est un énorme groupe guinéen. Et donc soit ce morceau guinéen, soit un morceau ghanéen de High Life. Donc il faut laisser choisir Magic. Bah laissons choisir Magic qui depuis Séville fait la technique pour nous soir. Alors le shérif est absent. Allez-y Magic. L'armée guinéenne, notre formation l'a joué évidemment, le Bembe Agence Nationale. En rendant hommage à notre armée, ce chant est devenu un grand succès à travers le monde. William, racontez-nous ce qui s'est passé musicalement. Musicalement, on est passé de Bembeya Jazz National à Cafripong, Nice Cubano Fiesta, super groupe de highlife ghanéen, voilà, qu'on a coupé juste avant que le chant démarre. Erreur technique, mais ça, c'est peut-être la distance. Depuis Séville, c'est quand même pas facile à gérer. Séville, la décharge de Magic. C'est tapas, c'est sangria. Et flamenco, c'est bon. Brett, on va passer à la troisième partie et dernière partie de notre émission. Et c'est là où notre troisième invité prestigieux, Michel Touzet, entre en scène complètement. Oui. Michel, c'est à vous. Vous venez nous parler d'un livre qui s'appelle Foot Afrique. Voilà, tout à fait, d'un livre, donc c'est Foot Afrique, écrit par trois auteurs, donc Ronan David, Fabien Lebrun et Patrick Vassor. En fait, c'est un livre qui a été édité en 2010. Donc leur base de réflexion au départ, c'est la Coupe du Monde en Afrique du Sud, tristement célèbre. Et voilà, et en fait, ils ont une analyse sur le foot, la Coupe du Monde. Même aussi, ils parlent aussi des Jeux Olympiques, mais bon, c'est pour appuyer leurs propos, du foot en général, la Coupe du Monde en particulier, qui est pour le moins assez radicale, avec bon, quand même des éléments tout à fait intéressants. Bon, ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure d'ailleurs, en parlant du foot, disant que les Coupes du Monde, ou en tout cas les championnats, les grandes rencontres, permettait effectivement d'aplanir, ou en tout cas d'étouffer, de mettre un écran de fumée sur tous les problèmes sociaux, politiques d'un pays, voire d'un continent, quand c'est la Coupe du Monde, par exemple, en Afrique du Sud, ou la CAN. Et déjà, bon, voilà, ça, on a commencé un peu à dire tout à l'heure que ça permettait effectivement aux politiques de pouvoir faire tranquillement ce qu'ils voulaient par derrière. Mais au-delà de ça, ils ont des termes assez rudes. Sur le foot, la Coupe du Monde en particulier, il parle effectivement de systèmes fascisants, voire totalitaires. J'ai juste une phrase que moi, m'a bien... Il dit donc « La Coupe du Monde de football possède une indéniable dimension fascisante et totalitaire, fascisante dans le sens d'un appui au système et régime tyrannique. » Donc ça, il le développe un peu avant, en disant les Coupes du Monde en Argentine, au Mexique en 70, en Italie en 34, bien entendu, en sachant que, par exemple, la Coupe du Monde était prévue en 42 en Allemagne, avec les Olympiques de 36. Donc voilà, fascisant dans le sens d'un appui au système et régime tyrannique, et totalitaire dans une acceptation traditionnelle qui exprime une emprise absolue sur l'homme et ses activités au point de le rendre superflu. C'est quand même une phrase bien... C'est assez radical. Donc ils ont effectivement cette analyse sur le foot qui effectivement domine une population et fait en sorte que cette population ne pense pas à autre chose. Et après ils ont tout un développement sur le côté marchandisation du foot. Alors on pourrait penser qu'ils parlent que depuis 20 ans, 25 ans, et en fait non, ils développent l'idée que le foot est né, en tout cas les compétitions de foot sont nées avec le capitalisme. Et ils parlent bien entendu de l'Angleterre au départ, et des usines qui avaient des équipes corporatistes, etc., et qui permettaient aux patrons effectivement de pouvoir libérer les ouvriers, d'avoir cette épreuve sportive qui permettait de bien diriger les ouvriers. Donc voilà, tout un développement qui est très, très intéressant et pas dénué d'intérêt. Et il continue comme ça en parlant évidemment de la marchandisation du nouveau monde. Alors, par contre, là, ça, ils partent depuis... en fait, ils estiment que cette marchandisation commence dans les années 70, en fait 74, avec la Coupe du Monde en Allemagne, avec Adidas. Qui a été le plus grand fournisseur de... Toujours, d'ailleurs, je pense, enfin, peut-être que maintenant Nike a dû le rattraper, mais qui a été historiquement l'entreprise qui a eu la main mise sur le foot et sur les Coupes du Monde. Donc, eux, ils parlent de 74 en Allemagne, donc avec Adidas, qui est partie prenante. Mais ensuite, ils développent par, effectivement, le fait que les Coupes du Monde servent notamment les grandes entreprises capitalistes international, de pouvoir mettre la main sur des pays. On pense à Coca, on pense à McDo, etc., qui sont des marchés qui leur sont offerts sur vraiment un plateau... Une implantation facile. Une implantation facile, et qui permettent justement à ouvrir ces pays au libéralisme, au capitalisme, etc., qui n'est pas forcément au départ, mais qui permettent à ces entreprises de prospérer et d'exploiter les pays. Parce qu'évidemment, on imagine bien que les employés de Coca ou de McDo, que ce soit en Afrique du Sud ou ailleurs, ne sont pas payés effectivement de façon très intéressante et les rétributions sont minimes. Ensuite, il parle effectivement du... Et notamment, là, c'est pour tous les pays qui ont une Coupe du Monde, ce qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs, qui est la privatisation des bénéfices et les coûts qui sont par contre eux publics. Et ils prennent un exemple qui nous concerne, qui est le Stade de France. Et qu'effectivement, c'est la FIFA qui a imposé à la France de construire un nouveau stade. Parce qu'au début, c'était le Parc des Princes qui devait être le stade de la Coupe du Monde. Qui était historiquement le stade de l'équipe de France. De l'équipe de France, tout à fait. Et donc, ils ont imposé à ce qui est le Stade de France, enfin, qui est un grand stade de construit en France. Et ce grand stade a été financé avec les impôts, bien sûr, les impôts des contribuables, avec les fonds publics, plus exactement. Sauf que l'exploitation a été donnée à Bouygues, notamment, et une autre notamment à Bouygues, tant que le Stade de France n'aura pas d'équipe résidente, ce qui n'est toujours pas le cas. Donc ça veut dire que tous les ans, le Stade de France est en déficit et que c'est l'État qui renfloue le déficit. Donc, là, on est bien dans une privatisation des bénéfices. Quand il y a des matchs ou des concerts ou tout ce qu'on veut, c'est Bouygues Consort qui en prennent les bénéfices. Par contre, quand il n'y a rien, c'est l'État et les fonds publics qui remboursent les dettes. Donc, voilà, donc, c'est un peu tout ce mécanisme qu'ils essayent de... Enfin, non, pas qu'ils essayent, qui démontent en montrant, effectivement, notamment aussi l'impact du FMI. Alors, vous pourrez croire que le FMI n'a pas grand-chose à voir avec le foot, mais bien sûr que si, puisque, effectivement, les pays... Qui organise une Coupe du Monde, voire un championnat d'Europe, on peut penser à la Pologne et l'Ukraine l'année dernière, sont obligés de dépenser, d'investir dans des infrastructures. Et là, évidemment, c'est la Banque mondiale et c'est le FMI qui sert d'argentier. Et on sait comment ils traitent leurs débiteurs en ayant effectivement des prêts à taux monstrueux. On sait qu'en Afrique, un dollar égale 8 dollars de remboursé. Donc voilà, donc c'est tout un système qui permet effectivement au capitalisme de régner en maître et d'affaiblir les pays. Alors il parle de l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud est assez emblématique, puis c'était le moment de la Coupe du Monde, où évidemment il parle de la situation en Afrique du Sud avec la pauvreté, les problèmes de santé, puisque c'est quand même le pays où il y a le plus grand nombre de cas de sida, où la pandémie est la plus grande, où il n'y a aucun effort de fait pour la santé. Par contre, on a largement invité les entreprises à venir, à Coca, Mastercard, enfin j'en passe des meilleurs, avec tout aussi une opération touristique, en proposant aux touristes des visites bien guidées, c'est-à-dire qu'on évite bien les quartiers qui pouvaient être dangereux, ou alors même faire des visites de quartiers dangereux. Ça, apparemment, c'est une nouvelle mode de voyage. On vous emmène dans des coins un peu dangereux pour faire un peu de frayeur aux touristes. Donc il démonte, bon, je résume un peu parce que bon, c'est assez, même si le livre n'est pas gros, c'est assez dense. Il est très dense. Il est très dense. Donc c'est un peu difficile de résumer tout ça en quelques minutes. Mais voilà, donc et ils finissent par le fait qu'il faut en finir avec le foot et avec les Coupes du Monde, en tout cas les grands championnats. D'ailleurs, ça s'appelle la nécessité de la disparition du football, ouais. Tout simplement. Donc voilà. Donc c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il met un peu les points sur les i et avec effectivement tout ce qu'on peut savoir effectivement du foot spectacle, du foot marchandise, en ayant quand même en parlant des footballeurs, notamment des footballeurs mieux payés, en les comparant effectivement à des marchandises. C'est-à-dire qu'il ne met pas en accusation les sportifs eux-mêmes, même s'il gagne des revenus assez hallucinants, puisqu'il compare effectivement à des marchandises dont les clubs se servent, voilà, vendre, revendre, sans leur demander aucun avis, même si ces footballeurs peuvent toucher de l'argent à cette occasion-là. Donc c'est un bouquin très intéressant. Effectivement, par rapport à l'Afrique, ils mettent le doigt effectivement sur la France-Afrique, quand même, qui n'est pas... Et on parle à la CAN, tout à l'heure on parlait des pays francophones, des pays anglophones, etc. Anglophones. Ouais. Et voilà, c'est pas par hasard qu'on dit francophone ou anglophone. C'est bien quelque chose qui traîne. Justement, Michel, je crois qu'à ce sujet, enfin, du moins globalement à propos de ce bouquin, le docteur avait éventuellement une question à vous poser sur tous les mécanismes néocolonialistes décrits dans ce bouquin. C'est un pamphlet qui est assez efficace, c'est vrai que c'est presque souvent un brûlot. En fait, hein. Donc moi je partage souvent ces analyses qui sont parfois un peu rudes et parfois difficiles à lire aussi. Il y a un sujet aussi qu'ils évoquent qui est important, c'est le sujet de la prostitution. Et bon, alors là ils sont quand même dans un, dans un propos parfois un petit peu délirant sur des métaphores entre football et viol qui seraient intrinsèquement liées par exemple. Ce qui peut être un petit peu gênant parfois, mais bon, voilà. Et c'est vrai que sur la disparition du football... on n'est pas, je suis pas forcément pour l'application systématique des rapports de domination à toutes les sphères de l'activité humaine, quoi. Et je pense que le plaisir, le jeu font partie d'autres choses. Et je souhaite tout à fait qu'on parle de ça au niveau, par exemple, des Coupes du Monde, dans la logique qu'ils poursuivent, effectivement. Mais du plaisir du jeu, un peu moins. Et ça, c'est... voilà. Sinon, c'est vrai que j'aime bien les débuts de l'argumentation de ce type de bouquin. Et parfois, les conclusions sont un peu différentes. Ouais. Michel, on vous laisse répondre. Après, on fera réagir nos autres invités. Oui, oui, effectivement, ce livre est embarrassant pour tout amateur de foot, que je suis aussi. Hein. Donc, c'est vrai que quand on lit ça, on a plus trop envie d'aimer sa télé pour voir un match avec des champions ou un match de Coupe du Monde, je sais pas, d'Europe. Mais alors sur les problèmes de viol et de prostitution, il faut quand même se souvenir de la Coupe du Monde en Allemagne avec les bordels énormes, etc. Et il parle de l'Afrique du Sud où aussi, effectivement, il y a quand même facilités pour tous les et sportifs et publics, et spectateurs, de pouvoir accéder quand même à... Mais je suis d'accord qu'il le souligne. On souligne ici tout ça dans notre émission. C'était juste sur le rapport évident de ballon qui rentre dans un but, qui est comparé en fait à une violence sexuelle. Et c'est pas forcément une violence sexuelle. Ça peut être éventuellement un acte sexuel si on veut. Une violence, pas systématiquement. Voilà, c'était juste ce petit détail. Je pense que c'est dans leur volonté Je partage et on condamne ici effectivement tous les phénomènes liés au proxénétisme, à la prostitution, qui se servent du football. Finalement pour développer des activités mafieuses dont l'objectif est de traiter les humains comme du bétail, et ça, on est évidemment tout à fait d'accord avec ça, je pense, enfin, moi en tout cas. Merci docteur. Est-ce que Bakary ou est-ce que Will, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi je dis que personnellement, après avoir écouté le commentaire de notre ami, moi je dis que je suis un peu perdu, quoi, si on peut dépasser, parce que je n'ai pas encore lu ce brûlot pour prendre du recul, quoi, parce que quand on lit, un bon intellectuel, il faut prendre du recul pour bien analyser. Mais en l'écoutant parler, on sent nettement que c'est un véritable coup de pilon, ce livre. Ce n'est pas un fait nouveau, quoi. Je pense que le football et la prostitution vont de pair. Récemment, il y a moins de mois, j'ai lu dans la presse que Les prostituées brésiliennes sont en train d'apprendre des cours en anglais. Tout à fait. Pour mieux préparer le mondial 2014. Lors de la dernière compétition européenne qui a lieu en Pologne et en Ukraine, on sait comment ça s'est passé, quoi, avec les filles de joie. Mais donc, voilà. Aujourd'hui, si, quand on reste dans le football, moi, ce qui me frappera de plus, parce que pour moi, ça, ce n'est pas un fait nouveau. Le fait nouveau, c'est le capitalisme dans le football, quoi. Le capitalisme dans le football. Je dis que c'est un véritable business qui est autour du football. Maintenant, je sais qu'il n'a pas stigmatisé un peu le football africain ou bien le comportement des Africains lors de la Coupe du Monde dernier. Lors de la Coupe du Monde de 2010, parce que l'Afrique avait attendu son moment très fort, parce qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, partout en Europe, parmi dans tous les grands clubs européens, il y a des, d'excellents footballeurs africains. Aujourd'hui, l'Afrique vit du football et que ce serait très bon pour nous d'accueillir la Coupe d'Afrique. Et j'espère que la FIFA n'a pas, le choix porté sur l'Afrique du Sud n'a pas été un choix fortuit. Ça a été une belle Coupe du Monde. Nous avons vu de belles prestations. Je suis de tout cœur avec ce livre que je vais certainement acheter et voir. J'ai jeté un coup d'œil pour un bon intellectuel et prendre du recul par rapport à ça. Vous le trouverez dans la librairie Transit de Michel, Boulevard Libération. Quel numéro, Michel? 45. Au 45 Boulevard Libération. C'est une librairie très intéressante, j'y suis passé. Une jeune librairie de sciences sociales et sciences politiques. Le 4 décembre. Et sciences humaines. Mais pour revenir sur ce que disait Will, la bonne nouvelle que vous annonciez, c'est qu'en fait seulement les Anglais fréquentent les prostituées, c'est ça? Si les non, mais ça évite pas mal de malentendus. Je pense que même pour elles, ce serait plutôt une... Non, mais pour être plus sérieux, pour rebondir à ce que vous disiez, moi je trouve que c'est vraiment tout le paradoxe de ce sport, quoi. C'est que c'est le sport le plus populaire du monde, c'est un sport de pays pauvres. Ça joue, bon, en Europe, c'est pas du tout le bon exemple, mais ça joue en Amérique du Sud, en Afrique. On joue à 22 avec un seul ballon. Oui, dans le sens où c'est pas du tout l'équipement type tennis. Mais c'est aussi un paradoxe pour les gens qui aiment le foot. Moi, je suis pas un béni oui-oui du système capitaliste, mais j'aime le foot. Et on le sait tous ceux qui aiment le foot et qui sont un peu critiques sur. Sur la manière dont ça se vit, dont c'est utilisé pour détourner l'attention des gens, aller dans la rue à Marseille, demander aux gens, tout le monde connaît des listes d'entraîneurs en France, personne ne connaît le ministre de l'économie, enfin tout, on le sait tous, quoi. Mais voilà, ce sport, il est paradoxal. Ça peut être utilisé pour détourner des gens, et comme Bakary disait, la Côte d'Ivoire, elle est en pleine guerre civile, elle peut se réunir... autour d'un match, enfin voilà, il y a ça dans le foot, c'est vrai. C'est un peu dur à assumer. Oui, non, mais je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord avec ça. Que fan de foot, des fois, ce que c'est vraiment ce sport, quoi. Bien évidemment, mais ce qui est très embêtant, c'est ce que tu dis, mais surtout les autorités du foot. Ce que je disais tout à l'heure au tout début, c'est que les autorités du foot profitent même des dirigeants politiques les plus durs. Pour les Coupes du Monde, c'est-à-dire que pour eux, c'est une bénédiction, parce que voilà, ils savent que ces dirigeants vont tout faire pour les Coupes du Monde, se passe bien, etc. Donc pour eux, c'est intéressant. La Chité, voilà, l'Italie 34, etc. Non, plutôt, c'est les dirigeants politiques qui profitent du football, c'est pour faire la récupération politique. Aussi. C'est un deal entre deux, parce que la FIFA, c'est quand même pas mal d'argent. Là aussi, il y a toute une partie sur les corruptions au sein de la FIFA, sur l'argent qui est assez monstrueux. Et on voit bien que leur intérêt, c'est... Enfin, ils l'expliquent bien. Ils choisissent les pays... pas forcément en fonction effectivement de l'économie. Quand on pense aux États-Unis en 94 ou Corée du Sud, Japon en 2002, c'était pour implanter le foot et donc pareil avoir des ressources financières de plus en plus grandes. Mais c'est aussi des pays, voilà, ils y vont comme l'Argentine, etc. En 78. Donc il y a ce problème-là politique qui est moins important. Et l'Afrique du Sud, enfin faut lire tout le parti sur l'Afrique du Sud. On voit ça d'un bon œil, effectivement, je suis d'accord avec toi, sur le fait que l'Afrique, pourquoi l'Afrique n'aurait pas une Coupe du Monde, effectivement, on est tout à fait d'accord avec toi. Mais après, pourquoi amener la Coupe du Monde en ne faisant pas en sorte d'aider les pays dans lesquels elle se passe? Alors, c'est tout le contraire. Dire qu'en Afrique du Sud, je parlais du sida, de la pauvreté, etc., rien n'a été fait pour les habitants de l'Afrique du Sud. Bien au contraire, je dirais même bien au contraire, ça a été même défavorisant pour les habitants de l'Afrique du Sud, pour les Sud-Africains. Donc c'est là où est le problème. Moi, je dis qu'on avait une Coupe du Monde, un Jeux Olympiques dans un pays en disant on va en profiter pour aider à la construction de routes, d'hôpitaux, de ce qu'on veut, d'écoles. Pourquoi pas? Mais c'est pas ça qui se passe, et c'est même l'inverse. C'est là où est le problème. Merci Michel. Oui, merci Michel, merci Bakary, merci Will pour ces considérations qu'on aimerait prolonger un petit peu, nous presse, cher Manuel. Et tout à fait, on a l'habitude de conclure, vous le savez, chers auditeurs, avec la chronique du docteur, mais avant celle-ci, on va faire un petit détour par... le stade de Séville où l'ami Magic a certainement énormément de choses à nous raconter. Magic. Mais oui, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr, Magic. J'ai l'impression que ce que vous racontez en studio est fort intéressant, mais alors, si vous aimez le foot, le plus intéressant, c'est sur le terrain, ici, à Séville, où donc le club du FC Séville a pris la mesure totale du match et est en train de gagner 3-0 après... Magic, avant les traditionnels remerciements, Brett, je vous laisse lancer la chronique. Je la lance, docteur, vous avez ce soir à nouveau une chronique. Nous l'écoutons, le titre de la chronique. Alors ça s'appelle « Lunettes noires sur une canne blanche ». Oh Dieu ! Cette année, la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN autrement dit, est revenue. Un an trop tôt, si l'on en croit les exégètes du football hexagonal. Et oui, depuis plusieurs semaines, l'Europe se fait du mouron pour les joueurs africains. Pour ces joueurs africains même, comme elle aime chaudement à les désigner. Pourquoi cette soudaine attention des propriétaires de chair à ballon des six principaux championnats européens? L'étonnante corrélation existante avec le statut d'ex-puissance coloniale de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal ne laisse pas d'étonner. Et pour cause, si Olas et consorts se font des idées noires à l'idée du retour des enfants prodigues sur leur continent natal, ce n'est pas tant par peur de la mouche tchétsé qu'en raison de l'interruption de travail légal de leurs petits protégés. La CAN fausse-t-elle le championnat de France ? S'interrogeait avec inquiétude il y a quelques années le site MaxiFoot. Un peu de respect pour la mission civilisatrice, se prendrait-on à renchérir. Car si l'on compte Noël, certains joueurs peuvent profiter d'un mois et demi de vacances aux frais du gentil actionnaire qui en regretterait presque d'avoir inculqué à ses éternels grands-enfants l'idolâtrie de la sacro-sainte figure christique. Après tout, qui, sinon les présidents des marques déposées que sont devenus les clubs de football, peut se targuer d'avoir si rapidement fait fructifier ce bois d'ébène des bidonvilles de Marseille ou d'Abidjan au plateau télé de Canal+. Ce qui est d'ailleurs révélateur avec la CAN, c'est qu'il s'agit d'un des rares moments où, parfois, grand-messe caritativo-médiatique exceptée, ces stars aux lunettes noires se souviennent d'où elles viennent. Quitte, carton rouge, à en oublier le promoteur de leur renommée et de leur salaire, leur club. À vrai dire, si les grands clubs européens avaient un temps soit peu investi dans la formation, on serait au courant. Et à Castellane comme à Abobo, les éducateurs de rue sont les principales victimes de cet Alzheimer précoce qui se plaît à gâter les plus exquises pépites du ballon rond. Sûr que pour certains, le footballeur africain est un peu trop rentré dans l'histoire, à en oublier son devoir de mémoire même. On ne lui en jettera pas particulièrement la pierre tant les amnésiques ont le vent en poupe quand il s'agit de franchir la Méditerranée. Mémoire défaillante, à Gezi, à Nosni, ces cités... Au royaume des marabouts, les sorciers blancs sont rois, à tel point qu'hormis la plus odieuse figure de nos borgnes, on ne voit pas qui pourrait ne pas s'étonner, voire s'inquiéter de cette canne blanche, lointaine écho des lunettes noires qui scintillent en ces tristes jours de mariage à Bamako. Ainsi, plus du tiers des entraîneurs des équipes engagées dans la canne sont français. Étonnante réussite d'un Made in France qui ne s'exporte guère ailleurs, Wenger et Ouillet mis à part, et dont on connaît surtout les merveilles en termes de spectacle à Bastia ou Annecy. Au risque de peiner Franz Fanon, les masques blancs sont de retour. Histoire de préserver l'obscurité, si ce n'est l'obscurantisme, du sport qui fait les rois. Pour l'aveugle, une canne blanche. Pour la servie, une canne à sucre. Et puis d'un coup, il met les cannes. Quel festival, AS Cannes, Cain, Cain, Cancan. Puissant canaille, Cain, en lunettes noires. Merci, docteur. C'est très bien tout ça, docteur. Michel, un petit mot ? Oui, je voulais juste faire un tout petit mot, un petit clin d'œil à notre ami le shérif. Vous demandez quand est-ce que Nantes va finir en D1 ? Un jour, peut-être ? C'est certainement très proche, en tout cas, un club aussi beau, palmarès. sans doute un des plus beaux de France, sans doute. Aussi beau jeu, aussi beau joueur. Saura se relever de cette période un peu rude. C'est le moment de conclure, chers auditeurs, puisqu'il est l'heure... Docteur ? Quiz ? Une proposition qu'on ne peut pas refuser. Oui, bien sûr. Magic, un petit quiz. Un petit quiz de tout you, ouais. Alors non. Du coup, pour conclure cette émission, nous allons éventuellement vous proposer un petit quiz, mais avant tout, on va remercier mon cher Brett, remercier nos invités, Michel, Bakary et Will, Merci à vous de nous avoir invités. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Bakary, Michel, Will. C'était un plaisir. Juste un petit mot, je dirais non à l'Euro voilà, Espoir Michel. 2013 en Israël. Voilà, quand Israël détruit les terrains de foot en Palestine, voire même tue les footballeurs et les emprisonne, ça me semble un peu délirant que l'Euro soit organisé là-bas. Merci pour ce mot, Michel. Bakary, merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir pour moi de rencontrer cette belle équipe de Radio Galère. Vous êtes merci. À Marseille parmi nous jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin. D'accord. Merci, Will. Vous repartez en mission en Guinée bientôt ? J'espère, j'attends de savoir quand. On vous le souhaite. Parfait, merci docteur. Merci Magic. Et Magic, on va vous laisser la parole pour conclure, pour éventuellement un petit quiz. C'est un peu la surprise pour nous parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas exactement de quoi il va. À quelle sauce on va être mangé. Mais à mon avis, c'est sur le football espagnol. Sur le football andalou même. Et par contre, tout le monde peut participer. Bien sûr. Il suffit d'écouter Magic. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêts, Magic, on vous écoute. Parlez un peu plus fort, Magic. On est prêts. Oui, alors, écoutez, je vous ai préparé un petit quiz. Vous savez que les sélections d'Afrique portent pour la plupart un surnom assez original, faisant référence très souvent au monde animal, mais aussi à la culture, à l'histoire et à la géographie du continent noir. Alors, je sais que notre ami Bakary sera largement favori dans ce jeu, mais tentons quand même. Souvent, le nom est choisi parmi les innombrables animaux donc, qui symbolisent le continent. Les fauves et les rapaces ont évidemment la part belle, mais on note aussi de nombreuses espèces rares ou disparues. Petit quiz pour tester votre connaissance du bestiaire du foot africain. Alors, premièrement, symbole de fierté, d'orgueil et de courage, je suis un animal très répandu dans le monde. J'ai cependant joué un grand rôle dans l'histoire du pays qui m'a symboliquement adopté. Ah, j'ai entendu. Le chat. Non. Qui m'a symboliquement adopté, ce pays indépendant du colon français depuis 1960 et qui, jadis, fut appelé... Le lion. Non. L'éléphant. Non plus. Oh, ce pays qui fut jadis appelé la Haute Volta abrite le royaume Mossi. Mais c'est quoi l'animal ? Les léopards. Les étalons. Non. Les étalons. Les étalons du Burkina Faso, c'est un point C'était mon groupe, c'était facile, mais je prends mon point. Voilà, donc je termine. C'est terminé. J'ai gagné. Ouh, bonsoir à tous. C'est un coup en bois là. Excusez-moi, c'est quoi ce piège ? Nom qui signifie lui-même cheval mâle, d'où je tire mon propre nom, les étalons du Burkina Faso. Deuxièmement, je suis l'animal choisi par mon pays en raison des symboles de métissage et d'harmonie des races que j'incarne. Je suis également l'un des rares animaux les plus connus du continent africain. J'ai entendu quelque chose, oui. Non. C'est un grincement, Magic. J'allais dire l'okapi, mais c'est pas ça. Je suis présent sur les armoiries et le drapeau de mon pays qui se compose d'un fond bleu ciel avec une bande horizontale noire au centre. C'est pas le Springbok. Bandé de blanc. Quij. On a eu un épervier, Magic. Est-ce que c'est un... Non, pas tout D'accord. à fait. Ce pays est situé en Afrique australe. Un aigle. Sans accès à la mer et son équipe de football participe à la CAN pour la première fois en 2012. C'est le MENA. C'est le MENA. Le Botswana, c'est une bonne réponse, mais quel est l'animal ? Le zèbre, non ? Le zèbre. Le zèbre de Botswana, tout à fait. La première fois en 2012. Oui. Mon animal préféré. Donc, récapitulons, ça fait un point pour Brett et un point pour notre ami Will. Je suis un poisson préhistorique que l'on croyait éteint et qui est réapparu au large du pays dont je représente la sélection de foot. Alors qu'on ne me connaissait que mes fossiles... Le requin bleu. Le requin. Et non. Je suis retrouvé vivant sur la côte est-africaine et répertorié au patrimoine vivant en 1938. Je reste toutefois une espèce très menacée. Mon pays est un archipel situé à l'est du continent africain. Cap-Vert. Non. Partagé entre deux pays indépendants, dont l'un est la France depuis quelques années à peine. Le poisson préhistorique, je sais pas, mais c'est peut-être les coëlantes. Tout à fait. Des Comores. Bravo, super, super, deuxième réponse. Aïe, aïe, aïe. Ouais, super, ça mérite deuxième un point, réponse. Quand même. Deux points pour notre ami Will, bravo. Ouais, je suis un animal très agile dans les arbres et doté d'un venin extrêmement toxique. Je suis la plupart du temps de couleur noire, mais je peux également revêtir une robe verte. Mes proies favorites sont des oiseaux et des rongeurs que je tue d'une seule morsure. Considéré comme l'animal... La panthère. Non. Considéré comme l'animal verte, le plus rapide de mon espèce, j'ai une réputation de tueur auprès des hommes. Le mamba. Alors, il me faut le pays aussi. Mais tu décris pas le pays. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis devenu le surnom des footballeurs de ce pays situé sur la côte orientale du continent africain. Mozambique. Les Mambas du Mozambique, oh tout à fait. Oh. Ah, ça fait un point pour chacun. Exactement. Alors là, je pense qu'on peut attribuer un demi-point à chacun. Un point à chacun, peut-être. Un point à chacun, soyons généreux. On a des points partagés plus scandaleux que celui-là. Oui. Ils sont des couleurs de micro, tout ça. Un point. Notre ami Will, 3 points. Et notre ami Bakary, 1 point aussi. Dernière question. Dernier petit quiz. Mon nom est une appellation générique pour désigner plusieurs mammifères carnassiers de félidés. Je suis très connu en rose depuis ce fameux film La Panthère. Américain. La Panthère. La Panthère. Alors, il me faut effectivement le nom complet. C'est le Gabon, peut-être, oui. C'est le Gabon. On a dit le Gabon, hein, j'ai l'impression. Là. Les Panthères du Gabon, c'est là-bas. Formidable. Trop fort. Donc là, je crois comprendre que c'est notre cher ami Will qui remporte largement ce petit quiz. Largement. Oh la main. Sans contestation aucune, je dirais. Merci Magic, et on vous remercie bien sûr pour ce superbe quiz. On remercie toute l'équipe. Un petit côté Julien Lepers, plutôt sympa quand même. Bien maîtrisé. On retiendra pour l'avenir. Et dans 15 jours, chers amis. Dans 15 jours, bien sûr. On verra. On verra de quoi on parlera, on ne sait pas trop encore. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on balance un générique de fin on se quitte en musique, bien sûr. En musique, d'accord. Et on embrasse le shérif. Tout à fait. Merci à vous tous. Merci à tous. Mais pour prendre des photos là, de toute façon, on prend des photos. Et hey yo, dédié à tous hormis les merdes. Ce que j'apporte au rap pour le millénaire. Bordel d'or, dès que la ville émerge, je suis l'inertie des maîtres du côté obscur, Mike, mercenaire, l'énergie. Autour de l'engin traduit qui dit merci lorsqu'il brûle. L'arsenal au service d'art, c'est l'acte d'officie. Forcé de reconnaître la force émane. Clame s'évade dans l'osmose d'un mic en main. C'est vague quand je parle, mais quand même, c'est pas, il parle d'elle-même et c'est l'essentiel. L'essentiel guide nos pas. Censé être MC, je donne la crème à tous les DJ notables. Yo, à tous les mecs qui apportent du vocable. Ce que l'hip-hop englobe, tous les maîtres qui ont perdu leur grade. Grave, quand je rappe, ils savent, brave le sable, je rate le sas. Non, prêt à la sauge, lâche la salle salve. Tous dansent dessus comme des cubains sous de la salsa. J'apporte du sens dans le son et ça sent. SM, la